votre vie appartient au monde du commerce. Votre corps appartient au monde du commerce. Votre esprit appartient au monde du commerce. Votre vie appartient au monde du commerce. Ma vie appartient au monde du commerce. Mon esprit appartient au monde du commerce. Mes enfants appartiennent au monde du commerce. Et mon cœur appartient au monde du commerce. Fixez donc une puce à l'intérieur de mon cerveau et qu'on en finisse. En attendant, mettez donc des DRM dans mon ordinateur et dans tous mes matériels.